annonçant le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires au 1er janvier 2018, la ministre de la Santé vient d'ajouter un chapitre à l'inextricable débat sur la politique vaccinale en France. Faut-il en passer, comme le souhaite le gouvernement, par une politique coercitive? Faut-il, comme dans d'autres pays européens, s'en remettre au bon vouloir des citoyens pour gérer comme ils l'entendent la vaccination de leurs enfants? Comment lutter efficacement contre la défiance si importante dans notre pays envers les vaccins? Et quid enfin des adjuvants tant critiqués, notamment à base d'aluminium? Vaccins, mais pourquoi sont-ils si méfiants? C'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions ô combien épineuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en direct et en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Drôme Ardèche à Valence, Lise Barnéou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins, qui est publié aux éditions Premier Parallèle. Et nous sommes ici en studio à la Maison de Radio à Paris avec Caroline Tour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service médecine et sciences du vivant chez notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. Et vous êtes toutes les deux, Lise Barnéou et vous-même, co-auteurs de ce hors-série, hein, qui date de décembre 2016, mais qui est toujours disponible, guide des vaccins, donc hors-série du magazine Science et Vie. Et vous pouvez évidemment, comme chaque jour, nous suivre en direct sur le fil Twitter de notre émission @laméthodefc. L'obligation, elle existe déjà pour 3 vaccins et il se trouve que personne ne remet en cause la diphtérie, le tétanos et la polio qui sont utilisés depuis des dizaines d'années dans notre pays. Ils sont obligatoires et 99% des enfants français ont été vaccinés. Alors là, il y en a 8 de plus. Alors il y en a 8 de plus parce que quand ça n'est pas obligatoire et ça ne l'est pas pour des raisons totalement historiques, parce qu'on pensait que c'était naturel que les gens se vaccinent, eh bien on voit que ce taux de couverture vaccinale descend à 80%. Et d'ailleurs, les sondages disent que si la diphtérie, tétanos, polio ne devenait non obligatoire, le taux de couverture diminuerait de 15%, ce qui est inquiétant. Voilà Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, hein, c'était vendredi dernier chez nos collègues de France Inter. Depuis l'annonce de ce passage de 3 à 11 vaccins obligatoires, qui sera effectif au 1er janvier 2018, eh bien évidemment les partisans dits de la liberté vaccinale sont vent debout. Que pensez-vous l'une et l'autre de ce choix, Lise Barnéou? Peut-être juste signaler les taux de vaccination auxquels fait référence Agnès Buzyn, le 80%, c'est quand même uniquement pour une vaccination, le vaccin contre les méningocoques C, je pense, l'hépatite B est au-delà de 88%, et puis tout ce qui est rougeole, oreillon, coqueluche, pneumo, enfin on est quand même à des taux de couverture proches de ceux dont les vaccins sont obligatoires. Voilà. Après, sur le fond, elle a raison. Les 3 vaccins obligatoires actuellement, c'est uniquement un héritage historique. Ce sont les 3 premiers vaccins au début du première moitié du XXe siècle à avoir été proposés à toute la population. Et les vaccins qui ont été ensuite mis sur le marché plutôt après les années 1950-1960, l'ont été sur un mode de la recommandation. Donc effectivement, aujourd'hui, les 3 obligations vaccinales ne font aucun sens en termes, vous voyez, épidémiologiques. Ce sont pas les vaccins qui évitent le plus de décès, ce sont pas les vaccins qui évitent le plus de séquelles. Par ailleurs, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, ce sont bizarrement les 3 vaccins les plus égoïstes du calendrier vaccinal, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun impact sur la protection des personnes non encore vaccinées ou qui ne peuvent pas l'être. Et donc, je pense que le statu quo n'était pas possible. Ensuite, il y avait 2 options, soit on levait toutes les obligations, soit on l'étendait, comme annoncé la ministre. Moi, personnellement, je pense que si l'objectif, c'est de renouer avec une confiance à long terme, à mon avis, c'était pas forcément la bonne option. Mais c'est mon avis. Vous écrivez, hein, dans la conclusion, justement, parce que vous avez pu imprimer ce livre au moment où cette nouvelle est tombée, et vous écrivez « Le caractère autoritaire de cette décision ne fera, me semble-t-il, que renforcer la défiance alimentera les théories du complot. Les faux certificats ou les clauses d'exemption vont se multiplier. C'est un cercle vicieux qui s'enclenche. » C'est une question compliquée, Lise Barnéou. On est où entre tout rendre facultatif ou en tout cas recommander seulement ou tout rendre obligatoire? De ces deux choix, il fallait tout de même en faire un. Ce n'est pas le bon selon vous? Non, parce que moi, c'est vrai que durant mon enquête, les parents que j'ai pu rencontrer, tous ce qu'ils mettaient en avant, c'était le manque d'information, le manque de pédagogie sur non pas sur la vaccination en général, mais sur chaque vaccin. Et je crains effectivement que ce caractère autoritaire d'une obligation vaccinale étendue à 11 vaccins les plonge dans un abîme de réflexion et de doute, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce qu'ils demandent, c'est beaucoup plus d'être correctement informé. Et le pire serait d'avoir cette obligation étendue et de faire l'impasse sur la pédagogie. Là, à mon avis, là, ce serait vraiment dramatique. Mais j'ose espérer qu'il va y avoir un gros travail d'information et de pédagogie qui accompagnera cette mesure. On va reparler de ces besoins justement d'information et de renseignement autour des différents vaccins. On va voir que tous les vaccins ne sont pas les mêmes, que tous les vaccins ne sont pas faits de la même façon, ne sont pas fabriqués de la même façon. Mais avant ça, votre réaction, vous, à cette décision gouvernementale qui est, il faut le rappeler, issue d'un rapport qui a été rendu par le Conseil d'orientation et de la concertation citoyenne sur la vaccination, qui a été rendu à Marisol Touraine, qui présentait deux scénarios, un scénario de levée des obligations et un scénario inverse, celui qui a été retenu, de l'élargissement de l'obligation. Vous en pensez quoi, Caroline Tourne? Qu'on est face à un pari, c'est-à-dire que là, les autorités sanitaires, la ministre de la Santé, fait le pari que l'obligation, c'est la meilleure solution. Elle décide de miser sur cette obligation en ayant peut-être des arguments un peu passéiste, en effet. Elle dit que c'est important que les autorités prennent leurs responsabilités en disant, puisqu'on considère qu'ils sont sûrs et très efficaces, on les rend obligatoires. Quelque part, ce sont des arguments extrêmement cartésiens qui l'amènent à décider que l'obligation est la meilleure solution. Elle oublie la part un peu irrationnelle qu'il y a actuellement autour des vaccins, le besoin de pédagogie, comme disait Lise Barnéou, le besoin de pédagogie qui fait qu'en effet, l'obligation d'un seul bloc de ces 11 vaccins peut provoquer plus de rejets que d'adhésions, contrairement au pari que la ministre fait. Et on parlait de pédagogie tout à l'heure, il faut bien le rappeler, ces 11 vaccins, il n'y a rien de nouveau sur ces 11 vaccins. C'est 3 qui étaient obligatoires pour des raisons historiques. À l'époque, on passait par l'obligation. Ça ne s'est pas fait d'ailleurs très simplement, mais on est passé par l'obligation. Puis, il y en a qui ont été simplement recommandés. Mais actuellement, si vous avez un enfant, et ça depuis les années 60, puis 70, au fur et à mesure, des vaccins ont été recommandés, ajoutés à ce qu'on appelle le calendrier vaccinal, la feuille de route des pédiatres, et bien, vous les avez fait, ces vaccins, pour la plupart. En effet, certains sont moins populaires que d'autres, mais quand même, la grosse majorité des enfants, des nourrissons et des enfants français, et des adultes aussi, sont vaccinés, protégés contre les 11 maladies dont il est question. Pas pour les tout derniers, en effet, il y a des tout derniers vaccins qui viennent d'être recommandés. Donc là, c'est vraiment les tout petits, les nouveau-nés qui ont quelques années qui les ont reçus. Ils sont recommandés depuis très peu de temps, mais enfin, globalement, tout le monde les reçoit. Ce n'est pas des nouveaux vaccins. Il y a un message là aussi, dans la nature de cette obligation vaccinale nouvelle, un message un peu paradoxal, puisqu'il est dit que le gouvernement souhaite obliger temporairement ces 11 vaccins en attendant que la confiance populaire soit rétablie. Est-ce que c'est par la coercition qu'on va rétablir la confiance populaire, Lise Barnéou? Si la coercition n'est pas accompagnée d'un véritable effort de pédagogie et d'information, non, clairement, je pense que là, le pari sera perdu. Effectivement, pendant ce temps de 11 vaccins obligatoires, il y a un effort et une manière de parler des vaccins qui changent en profondeur. Je pense que voilà, effectivement, dans 5 ans, à mon avis, enfin, ce caractère obligatoire ne peut pas être voué à tenir bien plus longtemps. On dit, je le rappelais tout à l'heure en introduction, la France est championne du monde de la défiance envers les vaccins. 41% des gens interrogés disent ne pas avoir confiance en la vaccination. C'est un mal stricto sensu français, cette défiance? Parce qu'on voit qu'en Italie, par exemple, Caroline Thorne, en ce moment, il y a exactement le même problème sur 10 vaccins qui sont rendus obligatoires et avec une contestation qui s'exprime très fortement. Pourquoi est-ce que ça marche aussi? Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette confiance-là? Le chiffre 41% là, que vous citez, c'est une étude qui a été publiée il y a un an à peu près. La question précise, c'était est-ce que vous avez confiance dans la sécurité des vaccins? Et là, 41% ont répondu non, pas trop, voire pas du tout. Voilà. C'est là où on est champion. Et globalement, dans cette étude-là, quand même, les Français, ils étaient globalement certains que c'était efficace, les vaccins. Donc il y a une méfiance sur le risque associé au vaccin. Là, on est champion dans cette étude. Mais pour ce qui est l'efficacité, on n'est pas champion. Par contre, les Français pensent que c'est efficace. Donc c'est tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Que si les Français ont parfois l'impression d'être, ça a été beaucoup relayé, d'être les plus défiants vis-à-vis des vaccins, ils ne sont pas les seuls. En Italie, en effet, les choix d'obligation, ça a remis un peu les gens dans la rue. Les personnes qui sont d'ailleurs souvent les têtes de pont des manifestations peuvent être extrémistes dans leur position. Ils vont être suivis par des gens qui ne le sont pas forcément, qui vont se poser de bonnes questions sur les vaccins, ne trouvant pas forcément de réponse ou ayant l'impression que l'obligation, ce n'est pas la solution. Ils vont se réveiller, se sentir un peu en opposition avec les décisions sanitaire. Il y a une chose en tout cas qui... Oui, Lise Barnéou, bien sûr. Oui, je voulais juste préciser sur ce fameux 41% dont on parle très, très fréquemment. La question, elle était vraiment globale. Hein. C'était dans l'ensemble, pensez-vous que les vaccins soient sûrs? Et encore une fois, moi je pense que cette question est tellement globale qu'elle ne peut pas révéler vraiment de quelle méfiance on parle. Vous voyez cette question, je ne sais pas si vous avez un doute sur un nouveau vaccin, par exemple, il y a beaucoup de questionnements autour du vaccin contre les papillomavirus. Bon, il suffit que vous ayez un doute sur ce vaccin, vous répondez plutôt opposé, parce que finalement, il y en a un qui me pose question, et bim, vous tombez dans la catégorie des méfiants. Et je pense que c'est pas révélateur, en fait. Ça montre uniquement le besoin d'informations sur chaque vaccin, ces études de sociaux. Il y avait, alors effectivement, peut-être qu'on en a trop fait, qu'on a trop brandi ce chiffre des 41%. En tout cas, il y avait quelque chose qui faisait consensus, et c'est rare quand on parle de la vaccination, c'est que la politique vaccinale française était devenue illisible. On n'y comprenait plus rien entre ces vaccins obligatoires, ces vaccins recommandés, mais qui étaient finalement tout aussi importants que les autres. Et on a l'impression qu'on est quand même face à une situation qui est sans solution. C'est-à-dire que soit on passe par la coercition, soit on passe par tout. Par la liberté vaccinale, comme la demande et la revendique une partie de la population qui proteste contre cette obligation. Quelle était la solution? Ça paraît complètement inextricable comme ça, vu de l'extérieur. Il fallait changer, mais aucune des deux solutions n'est convaincante, Lise Barnéou. En tout cas, aucune des deux solutions était convaincante. Percer, je veux dire seulement, il fallait de toute manière faire un énorme travail derrière pour revoir la manière dont nos autorités, dont les experts, dont nos médecins, dont nos académies parlent des vaccins. Il faut quand même voir, dans les pays similaires aux nôtres, en Europe, vous prenez l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, l'Espagne, le Danemark, enfin, tous ces pays n'ont pas d'obligation vaccinale et les niveaux de les couvertures vaccinales sont très satisfaisantes, hein, sont identiques aux nôtres. Donc je pense que je pense que la ministre était devant une situation où elle a eu peur qu'une diminution de certaines couvertures vaccinales entraîne des drames, et c'est pas faux. Effectivement, si la couverture vaccinale contre la rougeole diminue de plusieurs points, oui, on aura encore des cas de décès de rougeole et des cas de décès évitables, c'est sûr. Mais après, je pense que pour un résultat à long terme, je pense que l'effort de pédagogie et d'information est largement plus important, je dirais, que la forme, vous voyez, le caractère obligatoire des vaccins. Moi, c'était clairement le premier pari à prendre. Hein, c'est prendre le pari de la pédagogie vis-à-vis des vaccins. Il y a vraiment besoin de ça et de rétablir un peu le calme sur ce qu'on peut entendre sur les vaccins. C'est, à mon avis, le plus important, ça, c'est sûr. En même temps, quand on parle de pédagogie, il y a eu tout au long de l'histoire un certain nombre de campagnes de publicité pour défendre, pour promouvoir le vaccin. On va peut-être pouvoir en écouter une qui date de 2002. Écoutez, vous allez me dire si ça, c'est suffisant comme pédagogie. Les oreillons, c'est bénin, sauf quand c'est grave. Chaque année, en France, les oreillons provoquent des méningites. Rougeole, oreillons, rubéole, finissons-en avec ces maladies. Le vaccin est gratuit. Parlez-en à votre médecin. C'est une campagne de communication autour de la vaccination ROR qui est de 2002. Il y a une super phrase à la fin de cette pub, c'est parlez-en avec votre médecin. C'est hyper important là, le rôle du pédiatre, le rôle du médecin de famille est déterminant. C'est vraiment lui qui va pouvoir, avec une discussion de fond, encore une fois, en ne mettant pas de côté des questions qui peuvent être réelles, d'inquiétude, des parents. Qu'est-ce qu'ils contiennent ces vaccins? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, mes enfants? Est-ce que c'est pour eux ou est-ce que c'est pour protéger leurs petits camarades? Bref, d'expliquer, si on en parle, alors la décision de vacciner, presque elle va de soi. Une fois qu'il y a eu une discussion, une mise à plat, quand le pédiatre ou le médecin de famille a pris le temps, la décision, elle se fait presque toute seule la plupart du temps. Mais ce temps-là, on ne l'a pas toujours. Et on n'a pas toujours face à soi aussi peut-être des spécialistes ou parfois des pontes, hein, qui prennent le temps ou qui trouvent que ça vaut le coup de répondre aux inquiétudes. Mmh. On va entendre dans un reportage dans quelques minutes justement les interrogations d'une famille qui vient d'avoir un petit bébé et qui se pose des questions légitimes. On les entendra autour de la vaccination. Un mot justement sur le rôle prépondérant des médecins. J'ai une autre étude qui dit qu'en France, 16% des médecins généralistes se disent modérément confiants envers la vaccination. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire précisément à l'adresse de la communauté médicale, Lise Barnéou? Encore une fois, c'est 16% de médecins qui se disent méfiants envers la vaccination. Donc pour moi, ça apporte guère d'informations, si ce n'est qu'il y a certains vaccins qui doivent leur poser question. Oui, je pense que les médecins ont un rôle fondamental à jouer dans cette histoire, mais que moi, je vois le temps que j'ai dû passer pour comprendre les enjeux, les balances bénéfices-risques de chaque vaccin. Je peux bien comprendre qu'un médecin n'a pas le temps de se mettre à jour sur toutes les publications qui sortent vaccin par vaccin. Donc peut-être qu'il faut revoir un peu notre façon de parler des vaccins. Peut-être qu'il faut, comme dans certains pays, avoir des consultations spécialisées autour de la vaccination, peut-être en PMI ou dès la maternité, mais peut-être pas avec des médecins, peut-être si vous voulez avec des personnes qui n'ont pas forcément une culture pasteurienne trop importante. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur la manière d'informer sur les vaccins. Le son que vous nous avez fait passer sur les oreillons, pour moi, c'est de la communication. On n'est pas sur de l'information. Je ne pense pas que ce soit exactement ça que les parents recherchent. Alors, on va reparler encore une fois de tout ça. J'aimerais qu'on dise encore un mot sur cette notion quand même de coercition, parce qu'on a beaucoup entendu quelque chose qui fait bondir les personnes qui se réclament de la liberté vaccinale, c'est de dire que les peines encourues sont complètement disproportionnées, puisqu'on parle de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Est-ce que effectivement, il y a peut-être pas quelque chose de l'ordre de la disproportion quand on voit, même si ces peines pour le moment sont en tout cas virtuelles et rarement appliquées, c'est le côté du coup de bâton qui fait un peu peur et qui est pas très agréable, Lise Barnéou. Oui, bon, après, il faut quand même souligner que cette loi, elle n'a pas encore été écrite, elle n'a même pas encore été en débat au Parlement, donc attendons de voir ce qu'il en est. Hein, est-ce qu'il y aura des clauses d'exemption? Quelles seront les sanctions? Voilà, je pense que là, on parle vraiment sans savoir exactement quels seront les détails de la loi. Justement, un mot sur ces clauses d'exemption aussi, sur le fait que finalement, c'est pas si compliqué que ça quand on est dans des réseaux contre les vaccins ou pour la liberté vaccinale, de trouver des médecins qui vont faire des contre-indications médicales pour les enfants. Lise Barnéou. Pas si compliqué, mais enfin les médecins risquent gros hein, de faire des contre-indications sans aucune raison médicale. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec l'enfant qui a eu un problème avec le tétanos. Ça existe même plutôt beaucoup. Enfin, durant mon enquête, j'ai pu le constater. Et je pense que ça va être un des points qui va être extrêmement compliqué pour la prochaine loi sur la santé publique, parce que ils vont sans clause d'exemption. Là, je pense que ça va. La manifestation qu'il y a eu il y a 2 semaines aura une ampleur tout autre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 6h20, il est 16h20 et pas 6h20, il est 16h20, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous parlons de politique vaccinale tout au long de cette heure avec Lise Barnéou, qui est l'auteur d'Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins aux éditions Premier Parallèle, qui est avec nous en duplex depuis Valence et les locaux de France Bleu Drôme-Ardèche, et ici en studio Caroline Tourbe, chef du service médecine et sciences du vivant au magazine Science et Vie. Alors l'une des raisons pour lesquelles le débat est si vif en France concernant la vaccination, c'est que de part et d'autre, on se reproche proches de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir en discuter sans céder à l'hystérie. Pas simple donc dans ces conditions de recueillir des propos mesurés, mais nous y sommes arrivés malgré tout. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, vous avez essayé précisément de comprendre les doutes légitimes, les inquiétudes ou les questions que peuvent se poser de jeunes parents. Oui, des questions, les parents s'en posent beaucoup, surtout quand il est question de vacciner un enfant en bas âge. Les parents que j'ai vus sont actuellement en plein parcours vaccinal, leur bébé a seulement 6 mois et demi, et il est déjà en train de subir toute une série de vaccins. Mais entre le manque d'informations auprès des médecins et le manque de stock chez le pharmacien, eh bien, vacciner son enfant semble assez compliqué. Nous, on est parents depuis 6 mois et demi d'un petit Jules, et c'est notre premier. Sur les vaccins, moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, c'est très compliqué de faire uniquement la DT polio, parce qu'on n'a en fait pas trouvé le vaccin qui ne contenait que les trois vaccins obligatoires. Parce qu'apparemment, j'ai fait quelques pharmacies, il était en rupture de stock depuis presque 10 ans. Donc en fait, on n'avait pas les moyens de ne faire que les vaccins obligatoires. On était obligé de faire un package avec trois autres vaccins qui sont parmi les vaccins seulement recommandés. Moi, je trouve que c'est ça qui est un peu choquant, c'est un peu de pénurie organisée, tu vois. Parce qu'il y a les vaccins pour le petit et il y a les vaccins aussi pour la maman. Et là, on a dû faire plusieurs départements en France pour trouver des vaccins. C'était pourquoi ? C'était pour la coqueluche, parce que moi, j'avais pas fait mon rappel pour la coqueluche. Donc, dès qu'il est né, j'ai essayé de trouver un vaccin, un rappel. Et effectivement, j'en ai pas trouvé en région parisienne. DT polio coqueluche, je l'ai pas trouvé en Île-de-France. On en a trouvé chez ma mère en province. Donc là, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, en 2018, il y aura donc 11 vaccin obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ça génère une méfiance en vous ? Est-ce que vous trouvez ça normal d'obliger pour justement protéger les enfants ? Après, j'ai pas regardé dans le détail quelles étaient les maladies concernées. Sur le principe, moi je trouve que c'est bien. Pour le pneumocoque, moi je savais même pas que c'était en fait facultatif. La pédiatre nous l'a présenté un petit peu comme un vaccin à faire et on lui fait confiance. Donc c'est vrai que nous on suit un petit peu ce qu'elle nous propose. Et sans regarder vraiment si c'est obligatoire ou pas, on a tendance à lui faire confiance et si elle nous conseille de le faire, on considère que c'est sûrement une bonne chose. Après, là aussi où moi j'avais une problématique, c'est qu'elle nous a conseillé de faire le vaccin contre la BCG, parce qu'en région parisienne, apparemment, il y a une recrudescence un petit peu de la tuberculose. Et ça, c'est un vaccin qu'on, pour l'instant, on n'a pas pu se procurer, qui n'est plus disponible en pharmacie. Et donc, on n'a pour l'instant pas pu le vacciner. Moi, ce que je pense, c'est globalement, la vaccination et l'obligation de vaccination, ça va dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a pas mal de méfiance, globalement, parce qu'il y a un manque d'informations. Enfin, il y a beaucoup de parents qui connaissent rien. Et du coup, voilà, ça fait un peu... On donne plein de produits à nos enfants, on ne sait pas quels sont les effets potentiels. On ne sait pas vraiment ce que ça apporte par rapport aux risques qu'on peut faire courir aux enfants. Donc c'est vrai que là, moi, je trouve qu'on n'a pas été beaucoup informés sur qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est facultatif, qu'est-ce qui est recommandé et pourquoi. Et également, on n'est pas informé sur quels sont les risques du vaccin, quels sont les risques d'attraper la maladie réellement. J'imagine que le risque du vaccin est bien moindre que d'attraper une maladie très grave, parce que toutes ces maladies-là sont considérées comme très graves pour les petits. Mais encore une fois, on nous a jamais vraiment proposé, quoi. On nous a jamais expliqué les risques, les inconvénients, les avantages, et pour faire notre choix. Est-ce que vous diriez que c'est plus le rôle du médecin et du pédiatre d'être plus informatif, hein, d'éclaircir un peu justement sur les risques et les bienfaits des vaccins ? Ben oui, un peu tout le monde, pédiatre, médecin, pharmacien. Moi j'ai l'impression que parmi les pédiatres ou parmi les médecins, il y en a qui ont certaines idées ou certaines idéologies et il y en a qui vont peut-être pousser vers moins de vaccination et d'autres qui vont aller plutôt vers l'extrême. Je sais que nous, notre pédiatre, elle nous a par exemple conseillé un vaccin contre la gastro-entérite et que je trouvais qu'il était un petit peu exagéré par exemple, donc ça j'ai décidé de pas le faire. Mais voilà, je pense qu'aussi après, si on donne uniquement la liberté aux médecins, il y a des médecins qui vont être plutôt pour et des médecins qui vont être plutôt contre. Et effectivement, le problème c'est que si tous les enfants n'ont pas un petit peu la même couverture vaccinale, bah ça crée des risques pour les autres aussi. Donc sur la question des adjuvants, c'est quelque chose qui vous inquiète ? On parle beaucoup d'aluminium. Bah disons que on part du principe, on fait confiance un petit peu au monde médical parce qu'on n'est pas compétent en la matière, pour que ça lui apporte plus de bénéfices que d'inconvénients. Après, c'est sûr qu'il y a eu des périodes où il a dû être vacciné deux fois, la même journée, pour à chaque fois plusieurs maladies. Donc une fois c'était pour les six maladies plus le pneumocoque. C'est sûr que ça a été difficile pour lui pendant 2-3 jours de le supporter. Oui, ça, c'est assez lourd finalement, on ne se rend pas compte à 6 mois déjà se faire vacciner d'autant de vaccins. Il y a eu une première double vaccination à 2 mois, c'est-à-dire deux vaccins pour je pense 7 maladies en tout à 2 mois. Et puis il y a eu le même rappel à 4 mois. Voilà, donc c'est sûr que... Jules, vous avez senti une fatigue, oui, une sorte d'épuisement? Les premiers. Les premiers, là récemment, on a refait chez A5 mois. Il y a une nouvelle série de vaccinations. Et là, il supportait beaucoup mieux la piqûre. Et c'est la première fois où il était un peu... La première fois, oui, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Il a hurlé pendant quelques heures après. Il a eu des moments où il était vraiment pas bien. Mais moi, par rapport au vaccin qu'on peut se procurer aujourd'hui, j'ai l'impression que cette obligation ne change pas tant de choses que ça, puisque dans les 11 vaccins, il y en a déjà 3 qui sont obligatoires aujourd'hui et 3 autres qui sont faits pratiquement automatiquement par les familles. Et puis les autres, apparemment, sont très conseillés. En tout cas, nous, de notre côté, on a fait le pneumocoque et on fera rougeole, rubéole, oreillon. Mais je pense qu'on le fera aussi parce qu'effectivement, ça peut être très grave pour les petits. Voilà le témoignage de ces jeunes parents et on peut dire un peu, enfin parfois, leurs doutes, leurs questions, leurs difficultés à comprendre justement toute cette différence entre vaccin facultatif ou recommandé ou obligatoire. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre, Lise Barnéou? Ah bah, je dirais que ça corrobore parfaitement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est-à-dire que les parents ont un manque d'informations, d'informations chiffrées, fiables, sur les bénéfices, les risques de chaque vaccin, et c'est ce qui fait vraiment défaut aujourd'hui. Caroline Tourbe. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre leur bébé qui babille derrière, qui a l'air tout joyeux là. Et ça nous rappelle ce qu'est un vaccin, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une injection que l'on fait à quelqu'un qui est en bonne santé pour le protéger potentiellement d'une maladie qui le menace. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est si particulier. Et on l'a tous vécu, on l'imagine très bien, qu'un tout petit enfant qui est en pleine forme à ce moment-là, vous lui faites une piqûre et après il est un peu grognon. Parfois, il peut avoir un point rouge sur la zone d'injection, parfois un petit peu de fièvre pour certains vaccins. On comprend bien que du coup, évidemment que ça va poser des questions aux parents tout de suite, de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que c'est bien la peine de lui infliger ça à cet enfant? Donc c'est pour ça que là, en effet, les réponses précises vaccin par vaccin, pour expliquer que pour certaines maladies, en effet, la dangerosité est extrême chez les tout-petits, pour certaines formes invasives, donc pour des microbes qui vont se retrouver dans le sang ou dans le cerveau, enfin, ça peut être extrêmement grave. Donc oui, ça vaut le coup, évidemment, de prendre le risque du désagrément, mais c'est pas évident, quoi. Ces vaccins, c'est un truc à part. Hein. On entend pas mal de choses au nombre des questions que se posait ce jeune couple. On entend des expressions comme pénurie organisée qui reviennent souvent, la question des vaccins groupés, quand on veut se faire plus vacciner que sur l'un, qu'on est obligé parfois de vaccins qui sont des pintas vaccins au lieu de... Enfin, bref, il y a quand même là-dessus des choses où aussi il faut apporter point par point des réponses, des éclaircissements pour lever ces doutes. C'est important, Lise Barnéou. Oui, c'est important. Et c'est vrai que cette histoire de vaccins combinés pose question. Après, donc, elle faisait référence, elle a recherché pendant, enfin, le couple a recherché le vaccin diphtérie tétanos polio. Et c'est vrai que ça, c'est ce que je disais en introduction. Il me semble que cette demande, hein, ça fait référence aussi à une pétition qui a été largement signée en France il y a quelques mois, le retour du DTP pur. Finalement, cette demande, elle est à mon sens illogique à la fois d'un point de vue de l'épidémiologie. Encore une fois, ces trois maladies, disons plutôt ces trois vaccins, ne sont pas ceux qui évitent le plus de décès ou de séquelles irréversibles. Mais surtout, je pense qu'on peut pas. L'État je ne vois pas quelle est la légitimité d'un État d'imposer un médicament qui ne protège que la personne finalement vaccinée. Il me semble que l'État peut être légitime dans sa politique de santé publique dès lors que le médicament a une dimension collective, une protection de la collectivité, des personnes trop fragiles pour être vaccinées ou des nourrissons qui ne peuvent l'être que, vous voyez, la rougeole au rayon rubéole, on ne vaccine qu'à partir de 1 an. Donc, il me semble que de chercher uniquement une formule avec ces trois vaccins, en réalité, c'est pas le plus pertinent. Par contre, je trouve que la question d'avoir des vaccins qui ne soient en dehors de ce package, donc la maman cherchait un vaccin contre la coqueluche pour elle, et donc elle a pas pu trouver uniquement la coqueluche. Et ça, c'est vrai que c'est un problème et un débat qu'il faudrait avoir avec les industriels. Caroline Tourbe, là-dessus, on entend aussi beaucoup de critiques du Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique, de dire que, mine de rien, c'est un cadeau que le gouvernement fait aux laboratoires en imposant ces 11 vaccins parce que c'est de l'argent qui va aller directement enrichir donc ces mêmes laboratoires. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose, une question de santé publique qu'il faut poser là-dessus ? Oui, l'argument de dire que c'est pour enrichir les laboratoires, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Est-ce que les vaccins enrichissent les laboratoires ? Oui, sûrement. Est-ce que ceux-là les enrichissent particulièrement ? Je ne pense pas que ce soit vraiment un fond de roulement particulièrement important, ces 11 obligations vaccinales. Encore une fois, c'est des vaccins qui étaient déjà recommandés, largement utilisés par la population française. Donc, précisément sur cela, je ne pense pas que ce soit une histoire de business, mais que les vaccins, ce soit du business, oui, ça en est. Hein, notamment les nouveaux vaccins qui peuvent être extrêmement chers. Les remboursements qui sont proposés, d'ailleurs, ne sont pas toujours pour les papillomavirus, les vaccins contre liés à des virus qui donnent certaines formes de cancer du col de l'utérus. Là, c'est des vaccins très très chers qui ne sont pas forcément remboursés. Tout le monde, on nous le recommande, mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, oui, c'est du business. Hein, évidemment, les vaccins, c'est du business. Un mot tout de même sur cette question, cette notion de pénurie organisée. C'est une réalité, commerciale, marchande, c'est un fantasme. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender, Lise Barnéo ? Oui, c'est une question difficile à appréhender. Il faut bien comprendre que les fabricants de vaccins qu'on trouve sur le marché européen, ils sont pas nombreux. Il y en a 4-5. Et donc ils répondent non pas au marché à notre marché national, hein, mais aux demandes internationales de la plupart des pays. Et il se trouve que la plupart des pays recommandent d'avoir des formules combinées avec 5-6 vaccins. Pourquoi ? Parce que on considère que ça permet en une piqûre de couvrir 5-6 maladies et donc d'avoir une couverture vaccinale meilleur par rapport à s'il fallait revenir 4 fois chez le pédiatre. Et il y a aussi une autre dimension, on a parlé de l'aluminium dans le reportage. Faire une piqûre avec 5 ou 6 maladies en termes de quantité d'adjuvant aluminique, vous voyez, il y a quand même on injecte moins d'aluminium quand on combine que quand on doit faire 5 vaccins différents. Par contre, je pense qu'on manque d'études sur l'impact de ces formules combinées. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir une étude bien ficelée sur quels sont les effets secondaires d'une formulation à 6 vaccins versus 4 vaccins? Moi, j'ai voulu chercher ces informations-là et j'ai pas réussi à trouver quelque chose de satisfaisant qui pouvait, qui pouvait permettre de dire oui, pas de souci, généralisons les formules à combiner, il y a aucun impact. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment poursuivre la recherche sur l'impact des combinaisons. Et on va reparler dans un instant justement des efforts de recherche à faire, puisque c'est aussi l'une des questions de l'absence ou du manque d'un certain nombre d'études sur des sujets, notamment sur les adjuvants. On va en reparler en quelques instants. J'aimerais vous poser avant ça, parce que c'était aussi une question qui était incluse dans le reportage, la question du bien fondé qui se pose parfois quant à certains vaccins, soit pour dire eh bien finalement ces maladies n'existent plus, quel besoin de continuer à vacciner les gens puisque ces maladies n'existent plus, ou dans le sens inverse, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire vacciner mon bébé de 6 mois contre l'hépatite B qui ne risque certainement pas de rencontrer avant des années ou des années? Qu'est-ce qu'on répond à ces questions-là, Lise Barnéo? Eh ben, on peut pas répondre de manière globale, encore une fois. Si je prends votre dernière question sur l'hépatite B, effectivement, l'hépatite B, c'est donc transmis par un virus par le sang, donc soit de manière sexuelle, soit par des échanges de seringues, soit par le sang contaminé, mais ça se fait plus... Enfin, c'est très, très regardé en France. Donc oui, le nourrisson, a priori, a très, très peu de risques d'être contaminé. Le risque, on considère le risque commence à partir de l'adolescence, mais pourquoi on le recommande chez les nourrissons? Parce que on a eu, au moment où la campagne de vaccination contre l'hépatite B a été lancée en France dans les années 90, on a vacciné un tiers de la population en 4 ans, ce qui a été un record mondial. Et on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des notifications de sclérose en plaques, ce qui a d'ailleurs amené à arrêter cette vaccination en milieu scolaire et à mener quand même une série d'études pour essayer de comprendre est-ce que cette augmentation de notifications était liée au vaccin ou est-ce que c'était uniquement une coïncidence temporelle, puisqu'on sait que ces maladies démyélinisantes, hein, comme la sclérose en plaques, survient plus fréquemment à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc une douzaine d'études ont été menées, qui sont très compliquées à interpréter. Sur les 12 études, il y en a 5 qui révélaient une très faible augmentation, mais une seule atteignait le seuil de significativité, si vous voulez. Les autres ne montraient aucun lien. Mais en tout cas, toutes montraient que si on se focalisait uniquement sur la population des nourrissons, on ne voyait aucun signal. Et pour cause, les nourrissons ont très peu de myéline et donc sont pas tellement... c'est très rare de voir une maladie démyélinisante chez les nourrissons. Donc voilà, on a décidé de vacciner majoritairement les nourrissons, aussi pour cette raison, parce que ce doute semblait inexistant dans cette population-là. Après, pour les autres vaccins, il faudrait raisonner à chaque fois vaccin par vaccin. Et la plupart des maladies dont on parle sont effectivement, comme le disait Caroline Tourbe, beaucoup plus graves chez le nourrisson que chez l'adulte. Enfin, ça dépend. Et encore une fois, ça dépend. Par exemple, la varicelle ou la rougeole est beaucoup plus grave chez l'adulte que chez le nourrisson. Enfin, oui. Non, la rougeole, elle peut l'être. Il y a des nourrissons qui morflent aussi. Dans Caroline. Un seul et même vaccin, le ROR, hein, celui qu'on connaît bien, c'est rougeole, oreillon, rubéole. Là, vous avez un cocktail, parce que par exemple, la rubéole, vous allez vacciner le petit, mais lui, ça ne va pas l'intéresser, la rubéole. C'est pour si, par exemple, c'est une femme, c'est une fille, une petite fille, quand elle sera enceinte, elle sera protégée, elle ne pourra pas développer la rubéole qui pourrait atteindre potentiellement son fœtus et avoir donné lieu à des naissances d'enfants mal formés avec des retards. Donc, on va vacciner un tout petit enfant pour que plus tard, quand il en fera lui-même des enfants, il ne transmette pas de maladie à la génération future. Donc ça, c'est pour rubéole, c'est le dernier R de ROR. Vous avez la rougeole, où là, il s'agit de vacciner contre une maladie qui, chez les enfants, peut être extrêmement grave. Les cas sont rares, mais extrêmement graves. Donc là, ça va le concerner directement. Mais c'est aussi le moment où a lieu la vaccination. C'est presque un peu tardif, c'est-à-dire qu'il y a des enfants plus jeunes, c'est trop tôt pour les vacciner, mais ils peuvent quand même être touchés par la rougeole. Alors là, l'idée, c'est de dire si les grands frères, les parents, tout le monde est protégé, le virus ne va pas circuler. Donc ces enfants-là seront protégés de fait par la couverture vaccinale. Et vous avez les oreillons, on entendait la publicité. Les oreillons, c'est un cas un peu à part aussi. Les oreillons, c'est une vaccination qui va protéger plutôt pour des cas un peu plus graves, à un âge plus avancé. On entend parler souvent, ce qui se dit, c'est que c'est pour les jeunes hommes qui auraient une forme d'oreillon carabiné et que ça pourrait mettre en cause, provoquer des problèmes de fertilité, mais je crois, Lise Barnier, vous pourrez préciser ça. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est intéressant parce que justement, moi, ce ROR m'a fasciné là dans mon livre, j'en parle. Je trouve que la rubéole, pour moi, c'est vraiment le vaccin qui devrait recevoir la palme du vaccin altruiste. Donc on vaccine tous les nourrissons, mais pas du tout pour les protéger eux, mais pour protéger des êtres non encore nés. Enfin, c'est la réflexion va vraiment les loin, garçons et les filles, hein. Donc ouais, en plus on vaccine les garçons et les filles, tout le monde. Voilà. Et puis les oreillons, effectivement, on vaccine tout le monde pour protéger essentiellement les jeunes hommes de ces oreillons qui peuvent ensuite créer des inflammations au niveau des testicules qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Alors que chez la fille, c'est la plupart du temps, vraiment, c'est une des maladies les plus bénignes hein, du calendrier vaccinal. Donc voilà, chaque cas est vraiment différent et c'est assez fascinant finalement de rentrer dans cette complexité parce que ça soulève aussi des questions, des questions sociétales vraiment intéressantes. Et on va en parler dans un instant aussi et continuer à examiner les doutes qui se posent. J'aimerais tout de même revenir sur cette question qui dit, par exemple, la polio. Il n'y a plus de cas autochtones de polio depuis des années en Europe occidentale. Pourquoi est-ce qu'on continue à vacciner contre la polio, Caroline Tourbe? Parce que, notamment, le vaccin, il empêche qu'il y ait un retour. Hein. Quand il y a eu un cas d'un enfant non vacciné en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne... C'était la diphtérie. C'était diphtérie. Alors voilà, c'est sur la diphtérie, voilà. C'est pas sur la polio. Pardon, oui. Non. On peut donner le cas des Pays-Bas, qui était très intéressant avec la polio. Oui, Lise Bardet, allez-y. En 1992, on a eu une épidémie de polio aux Pays-Bas, donc en 1992, avec un niveau d'hygiène tout à fait comparable au nôtre actuellement, hein, qui avait fait quand même, 60 cas et plusieurs, donc 60 paralysés à vie et puis 2 ou 3 décès, je ne sais plus. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était un virus qui provenait d'Asie, du Sud-Est, probablement transporté par un voyageur, en fait. Et puis, il s'était retrouvé ensuite dans une zone qui était très peu vaccinée, parce que c'est ce qu'ils appellent la Bible Belt, une zone très protestante, assez opposée aux vaccinations. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le vaccin qu'on utilise, nous, contre la polio, nous protège, nous, mais ne nous empêche pas de transmettre le virus. C'est-à-dire que là, moi, si je pars en Inde, et que je... En Inde, non, c'est un mauvais exemple. On va dire, si je pars en Afghanistan, dans un des pays où les virus circulent encore au niveau sauvage, si je reviens avec un... Je peux revenir avec un de ces virus dans mes intestins et le transmettre à une personne non vaccinée de mon entourage. Donc, effectivement, il n'y a plus de polio chez nous, mais c'est pas du tout impossible d'avoir un retour de cette maladie, d'autant moins avec les mouvements de population actuels. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Bientôt 16h45 déjà, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de politique vaccinale et des doutes, des inquiétudes qui restent autour de cette annonce récente cet été de la ministre de la Santé de faire monter le nombre de vaccins obligatoires à 11 au 1er janvier 2018. Nous en parlons avec Lise Barnéou et Caroline Tourbe. Un mot pour dire, puisque c'est l'un des sujets d'inquiétude et on parlait tout à l'heure d'efforts en termes de recherche et de politique de la recherche, un mot sur les adjuvants, parce que là aussi, les choses sont évidemment complexes. Lise Barnéou, certains vaccins ont des adjuvants, certains vaccins n'en ont pas. On parle d'adjuvants aluminiques, on dit qu'il peut y avoir des risques autour de ces adjuvants. Est-ce qu'on peut essayer d'être un peu clair, déjà, un adjuvant, à quoi ça sert et pourquoi, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que ces adjuvants aluminiques qui semblent poser un certain nombre de questions ou de problèmes. Alors déjà, les adjuvants, à quoi ça sert? Ça sert en fait à réveiller notre système immunitaire parce que les vaccins qu'on utilise aujourd'hui sont de plus en plus purifiés et pourraient passer finalement inaperçus à nos gardiens de notre système immunitaire. Et donc, ils sont là, si vous voulez, pour exciter un petit peu nos cellules immunitaires, leur dire, attendez, ce qu'on vient de vous injecter, c'est pas n'importe quoi, vous devez y prêter attention, vous devez réagir. Donc ça, c'est un premier point. À quoi ça sert? Ça sert à si vous voulez, stimuler notre système immunitaire, parce que les petits bouts de aujourd'hui, la plupart des vaccins ne contiennent plus que des fragments du virus, et c'est pas suffisant pour alerter notre système immunitaire. Ensuite, où on en trouve? On en trouve aujourd'hui, sur les 11 vaccins dont on parle, 8. C'est ça. En contiennent les seuls qui n'en contiennent pas, c'est le fameux ROR dont on parlait, parce que ce sont des vaccins qui contiennent les microbes vivants et eux, ils sont suffisamment visibles pour notre système immunitaire. Il n'y a rien besoin de rajouter. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des adjuvants d'un point de vue vraiment qu'est-ce qui fait consensus, on va dire, dans la littérature scientifique? Ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est qu'une petite partie de la population conserve ces adjuvants, conserve ces particules d'aluminium au niveau du site d'injection, dans le bras ou la cuisse. Ça, c'est une cicatrice vaccinale, c'est ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage. C'est notamment les travaux de Romain Gherardi qui ont montré la présence de cette cicatrice vaccinale, de ce tatouage, si vous voulez. Ensuite, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est quelle est la conséquence de cette cicatrice. Est-ce qu'il y a une conséquence de cette cicatrice sur les symptômes dont se plaignent certains patients qui viennent consulter chez Romain Gherardi? Et c'est là qu'il y a encore un débat. Alors, Romain Gherardi, son hypothèse est de dire qu'une partie de ces particules peuvent migrer notamment dans le cerveau et créer des symptômes comme une fatigue chronique ou d'autres symptômes. Ça, pour l'instant, cette preuve, si vous voulez, cette causalité biologique, elle fait encore débat chez l'homme. Mais par contre, peut-être oui, juste souligner que si elle était avérée, ce qui est possible, ce que les travaux de Romain Gherardi montrent, c'est que d'abord, ça concerne un très faible pourcentage de la population, et ensuite, ça concerne aussi des personnes qui sont très très probablement prédisposées à mal évacuer cet aluminium. Et donc, ce que demande Romain Gherardi, lui, c'est d'essayer de faire plus d'études pour identifier ces prédispositions, qui sont des prédispositions génétiques, très probablement, et éventuellement, afin d'imaginer un test de prédisposition en amont des vaccinations. La question que posent ces adjuvants, et vous venez de le souligner, et d'ailleurs c'est vrai pour un certain nombre d'autres choses, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'efforts de recherche supplémentaires, des études incontestables qui mettraient tout le monde d'accord en disant « oui, voilà, ça existe, c'est avéré ». On a financé ces recherches-là pour pouvoir enfin trancher ce débat une bonne fois pour toutes et pas laisser entretenir ce flou qui fait beaucoup de mal dans un sens et dans l'autre. Caroline Tourbe, sur cette question. Alors, pour le financement des recherches sur l'aluminium, c'est vrai que ça a été, enfin, c'est la demande du chercheur de Gherardi, mais également des associations de patients qui sont atteints de syndrome de fatigue chronique, qui veulent avoir un financement. Alors, je ne sais pas où ça en est exactement. Il avait été question du temps de Marisol Touraine, en effet, de fournir de l'argent pour que des recherches puissent être menées, pour essayer de conclure ou non un lien entre donc l'aluminium des vaccins et des formes de maladies. Ce qu'il y a, c'est que pour la recherche d'un autre adjuvant aussi, qui est un point important. Est-ce qu'au fond, on pourrait, s'il y a un doute sur l'aluminium, se passer d'aluminium et se lancer sur autre chose? Il y a des recherches aussi. Il y a eu déjà d'autres adjuvants qui ont été proposés dans des vaccins qui ont été largement utilisés dans la population. C'est le cas du vaccin contre la grippe pandémique en 2009, celui qui a été largement donné aux populations, notamment en Suède, en Scandinavie, beaucoup plus qu'en France, puisqu'en France, la plupart des Français ont refusé d'aller se faire vacciner. En tout cas, ils n'y sont pas allés. C'était les fameuses photos qu'on voyait. On avait les centres de vaccination avec tout l'équipement et toutes ces chaises qui attendaient des volontaires pour se faire vacciner et presque personne n'y allait. Ça a déclenché d'ailleurs une grande partie de la défiance vaccinale en France, cette histoire. Bon, mais ces vaccins-là contenaient un adjuvant qui n'était pas de l'aluminium, qui contenait du squalène, qui est une sorte d'huile qui permet de provoquer une réaction immunitaire un peu de la même façon que l'aluminium, enfin du même principe que l'aluminium. Et ce squalène, cet adjuvant-là, il s'est avéré qu'il y a eu des études qui ont été menées en 2012, notamment en Finlande, où on a vu que visiblement ça augmentait le risque de narcolepsie. Narcolepsie, c'est une maladie auto-immune qui provoque des endormissements brutaux, et que visiblement, cet autre adjuvant, il était à risque pour certaines personnes, encore une fois, pour provoquer certaines maladies auto-immunes. Donc, même quand on en a d'autres candidats, c'est pas toujours meilleur que l'adjuvant qui contient l'aluminium. Lise Barnéou, sur ces questions très très tendues liées précisément à ces problèmes d'adjuvant. Non, mais clairement, il manque de la recherche indépendante, ça c'est clair. Mais après, il faut quand même aussi souligner la difficulté de mettre en évidence des effets secondaires rarissimes. Il faut des cohortes immenses pour le faire. Et ensuite, une fois qu'on a le signal, encore faut-il ensuite pouvoir investiguer la causalité biologique. Mais voilà, c'est long, c'est compliqué, mais par contre, je pense aussi qu'il manque des études sur ce sujet. Parce qu'en termes, on peut redonner quand même au moins un ordre de grandeur en termes d'épidémiologie de ces effets secondaires sur les adjuvants aluminiques ou sur le squalène. On parle vraiment d'un cas pour plusieurs dizaines, centaines de mille. Ah bah pour le squalène, c'était quand même plus important. C'était, je, je, Je crois que ça a augmenté le risque de 12 fois entre les vaccinés et non vaccinés. On n'est pas du tout de cet ordre-là avec les adjuvants aluminiques. Se pose aussi d'autres questions qui sont celles, outre les adjuvants aluminiques, des effets secondaires. Et là aussi, on se retrouve toujours, quand on est plongé dans ces questions-là, face à des études partielles. Alors, on se renvoie à une étude ou l'autre. Même vous le dites dans votre livre, vous avez fait parfois des recherches d'études et vous tombez sur une étude qui a été faite sur deux lapins et puis ça s'arrête là. Comment est-ce qu'on explique ce déficit d'études sérieuses, incontestables, qui pourraient au moins permettre de trancher sur certaines questions qui se posent autour de ces vaccins? Lise Barnéo. Ce qui est vrai, c'est que moi, pendant mon enquête, les chercheurs que j'ai pu rencontrer, qui travaillent sur des questions, des questionnements, vous voyez, qui remettent en partie une certaine, non pas la vaccination en général, encore une fois, mais certains aspects de la vaccination, tous m'ont fait la même réflexion qu'une fois qu'ils étaient comme ça dans ces questionnements un petit peu l'image des vaccins, ils avaient du mal ensuite à obtenir les financements, ils avaient du mal à être invités dans les conférences. Donc il semble qu'effectivement ce soit difficile en France d'avoir à la fois un débat, mais aussi une recherche dépassionnée sur cette question des vaccins et d'avancer tranquillement. Et la science est faite de doutes et d'hypothèses. On a le droit de les investiguer chacune. Et de les adresser. Peut-être qu'on peut aussi pointer du doigt la responsabilité des pro-vaccins qui ont refusé le débat, qui ont vraiment complètement rejeté du revers de la main toute question, tout doute, légitime ou non, en mettant tout dans le même sac et donc en interdisant d'une certaine façon toute interrogation, tout questionnement, en disant, mais vous savez, ça a sauvé 20 millions de vies, donc point barre, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, en voulant servir la vaccination et en étant trop vindicatif vis-à-vis des doutes et des craintes qui pouvaient être légitimes, des questions qui pouvaient être légitimes, en tout cas des questions qui pouvaient être légitimes. En effet, je crois que ça a desservi les vaccins. Quand on nous entendait là parler des adjuvants, du manque de financement de recherche, on pourrait avoir l'impression que c'est une idée complotiste, qu'on voudrait cacher les choses. Je pense que c'est peut-être plus bête que ça, c'est-à-dire que il a été considéré pendant longtemps, historiquement, que le service rendu par la vaccination face à des fléaux qui faisaient des morts, La mortalité infantile, c'était énorme. Enfin, on était face à des fléaux. Donc, de toute façon, il fallait avancer vite. La casse qu'il pouvait y avoir quand on développait un vaccin pour des chercheurs comme Pasteur ou comme Jenner, c'était des choses qui n'entraient même pas en cause. Alors, je parle évidemment des temps anciens. Mais c'est quelque part, culturellement, la recherche sur les vaccins, c'est peut-être aussi ça qui fait que pendant longtemps, il y avait un côté circulé. Il n'y a rien à voir. Les fléaux sont tels que, de toute façon, on doit avancer, on doit faire vite. Maintenant, les choses ont changé dans les pays occidentaux, dans les pays riches comme les nôtres. En effet, la sensation balance, bénéfice, risque pour chaque maladie, on a l'impression que les choses sont devenues plus fines, les curseurs sont plus fins, il faut les bouger plus doucement, donc l'information est importante pour les bénéfices, pour les risques. Mais j'imagine par exemple que dans une société comme la nôtre arrive une nouvelle maladie, on entend parfois parler du Zika, on entend parfois monter des maladies comme le chikungunya, si ça arrive, si ça s'installe dans une population, on peut imaginer que de nouveau la volonté d'aller vite, de trouver des solutions vite, ça va générer encore un type de recherche, donc vers le résultat, vers l'efficacité, et peut-être moins vers les risques liés aux adjuvants. Un mot aussi également sur les effets secondaires. Est-ce que certains ont été attestés de façon indiscutable? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes? On sait qu'il y a eu des études qui ont été avérées fausses, mais qui ont certainement fait aussi beaucoup de mal aux relations entre les partisans de la liberté vaccinale et les autres. Quelle est la réalité? Comment est-ce qu'on peut débrouiller le vrai du faux là-dedans, Lise Barnéo? Eh ben, il faudrait parler controverse par controverse. Par exemple, si on prend la controverse rougeole autisme, donc qui est au début des années 2000, une publication en Angleterre semblait faire un lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. Il se trouve que cette première publication était très mauvaise d'un point de vue méthodologique, très mauvaise d'un point de vue éthique aussi, en l'occurrence, parce que le chercheur était impliqué impliquée ensuite dans la défense des familles qui demandaient des remboursements auprès de l'État anglais. Et donc voilà, tout est parti d'une étude complètement biaisée. Donc là, on a des arguments pour dire, attendez, cette étude-là par laquelle tout a démarré, elle n'était pas solide. Voilà. Ensuite, il y a d'autres effets secondaires qui sont tout à fait avérés. Dans le reportage chez le couple avec le jeune enfant, on entendait parler de cette vaccination contre les rotavirus qui créent des gastro-entérites chez le nourrisson. Bon, ben, typiquement, ce vaccin, il a été prouvé qu'un des effets secondaires graves de ce vaccin, c'est de créer une invagination intestinale, c'est-à-dire comme un nœud, si vous voulez, dans les intestins. C'est d'ailleurs aussi un effet secondaire du virus. Hein. Et donc ça a été. Je voudrais pas donner des chiffres comme ça de tête parce que je suis pas sûre des chiffres, mais en tout cas, clairement, il y a une augmentation du risque d'invagination. Et c'est d'ailleurs pourquoi en France on a levé la recommandation de cette vaccination. Donc il faudrait parler point par point, encore vaccin par voilà. ou des rapports entre des syndromes de Guillain-Barré suite à une vaccination contre la grippe qui sont posés, où on a montré que finalement l'épidémiologie était plus basse suite au vaccin que juste suite à la grippe. Bref, on va vous mettre des informations là sur le fil Twitter de l'émission. J'aimerais un mot peut-être pour conclure cette émission sur la question de la réconciliation. Est-ce qu'il est envisageable de réussir à réconcilier la société française, pour ne parler que d'elle, autour de ces questions de vaccination, c'est de pouvoir en parler librement sans arriver aux extrêmes qu'on a pu connaître, Lise Barnéo? Oui, je pense que oui, c'est le cas dans la plupart des pays du Nord, par exemple, où j'ai l'impression que le débat est dépassionné, il est très pragmatique. Et je pense qu'on y arrive petit à petit en France aussi. Il faut peut-être un peu plus de temps, il y a peut-être aussi cet héritage pastorien, il y a peut-être un problème générationnel aussi, quelque part, mais je pense qu'on peut y arriver et que petit à petit, on voit je pense qu'on y arrive. Il y a des progrès, en tout cas, dans la discussion, dans le débat posé, dans le fait que ce n'est pas parce qu'on pose une question qu'on est forcément anti-vaccin et à contrario, ce n'est pas parce qu'on fait vacciner son enfant avec les 11 vaccins qu'on est forcément un pro-vaccin bigot, comme je les appelle dans mon livre, ou à adopter tous les vaccins qui vont arriver. Donc je pense qu'on arrive petit à petit à une discussion plus posée. En tout cas, j'espère aussi que notre hors-série, Caroline et moi, de Sciences et Vie et mon livre y participe. Caroline Tourbe, sur cette réconciliation, en un mot, vous la voyez venir, vous aussi, malgré cette interdiction qui risque, ces obligations, pardon, qui, comme on l'a vu, braquent un peu les partisans de la liberté vaccinale. Une chose est sûre, les mois qui viennent vont être particulièrement intéressants à suivre, hein, parce que, comme on le disait, la loi, elle n'est pas écrite encore, donc tout ce qui va se passer, les mobilisations, les réactions, est-ce que ça va partir en effet boule de neige avalanche, ou au contraire se calmer? C'est vraiment les mois qui viennent qui vont nous le dire. Eh bien écoutez, si vous voulez vous renseigner en tout cas, n'hésitez pas à consulter Les Immunisés, un nouveau regard sur les vaccins de Lise Barnéo, c'est aux éditions Premier Parallèle, ou ce hors-série de Sciences et Vie, le guide des vaccins 2016-2017 qu'on peut trouver en ligne sur Sciences et Vie. Merci beaucoup Lise Barnéo, merci également merci aux collègues de France Bleu Dromardèche pour le duplex. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Hugo Bartholomei, Céline Lezen, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomas sur la technique et Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, un autre débat qui risque de ne pas être tout à fait apaisé. PMA pour toutes, GPA pour tous, c'est le programme chargé d'Hervé Gardette dans Le Grain à Moudre. Ce sera aux alentours de 18h20 après le journal. Dans un instant, nouvelle série documentaire cette semaine, Voyage Transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine, par Leila Djitli et Vincent Deck. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous retournerons dans l'histoire géologique de notre planète à la fin du Crétacé, ou quand le ciel nous est tombé sur la tête. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.